Chapitre quatrième. L'orage planait ce jour-là sur la province de Murcie tout entière. Ce n'était, de toutes parts, que hurlement du vent à travers les rochers, que plaintes de l'abysse qui s'engouffrait dans les ravins. L'horizon était rouge et enflammé, les éclairs jaillissaient, les crêtes de roc paraissaient fulminantes. On eût cru avoir de loin les montagnes de la Sierra Morena, que des langues de feu s'étaient attachées à leur surface. À cette heure pourtant, toute la nature n'était pas souffrante. Il y avait des hommes qui riaient et buvaient du meilleur cœur du monde. Peu leur importait à eux que le ciel fût terrible et la terre bondissante. Ils grondaient avec le ciel, ils bondissaient avec la terre. Peu leur importait que la tempête éclatât au-dessus de leur tête et brisât les rochers et les arbres. Ils trouvaient que c'était une belle chose, que ce mélange de l'ouragan et de bruyant rire, et que rien ne sied mieux à l'âme qui veut se débarrasser un moment des ennuis de la vie que le désordre et le choc des éléments. Singuliers personnages, vraiment, mais ils étaient espagnols. Sous leurs poitrines velues battaient des cœurs que le soleil d'Andalousie avait trempés. Leurs bouches étaient avides de baisers et leurs oreilles de tapage. Espagnols qui s'égaient, foudre qui gronde. Ces hommes, c'étaient ceux d'Antonio, l'étudiant de Valence, d'Antonio, l'amant de Margarita, d'Antonio, le chef de guérilla. Mais où étaient-ils donc? Dans quel lieu, sous quel ciel? Une profonde caverne leur servait de séjour. Leur ciel était celui qui recouvre les sommets de la Sierra Morena. Tenez, d'ailleurs, approchez-vous de quelques pas avec moi. Ne voyez-vous pas là-bas cette masse énorme de rochers défendus par de larges fentes et de grandes pierres en ogive? Eh bien, c'est là qu'ils sont. Oh, mais approchez-vous. N'ayez pas de crainte. Quoiqu'ils portent l'espingole et le poignard, ce sont des gens d'honneur que les soldats d'Antonio. Qui vivent? Entendez-vous? C'est le cri des sentinelles qui gardent les abords. Liberté est le mot d'ordre. Liberté. Passez. Enfin, nous voici dans la caverne. Que de bruit, que de tapage, bon Dieu! À voir les dehors, on ne s'imaginerait jamais tant de folle joie au-dedans. Les hommes d'Antonio étaient tous réunis en cercle autour d'une table chargée de verres et de pots de vin. Ils avaient tous le visage pourpre et les yeux saillants à force de boire. Des morceaux de câble goudronnés, qui pétillaient au-dessus de la table, leur servaient de flambeaux. Antonio était au milieu d'eux. Une aigrette flottait à son chapeau et un poignard à manche d'argent pendait à sa ceinture. À côté de lui, mi-penché sur son bras, on voyait la gracieuse Margarita. Mais elle était bien changée, la jeune fille andalouse. Il n'y avait plus sur son front cette mélancolie rêveuse qui ne la quittait pas dans la vallée. Elle était gaie et folle, coquette et oublieuse. Elle avait un fort joli corsage du velours le plus soyeux, et une jupe azurée qui fait envie à une grande dame de Séville. Ses yeux brillaient comme des escarboucles, ses joues étaient rosées. Le bonheur se montrait dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses sourires. Elle était bien belle aussi. On eût dit un riche diamant au milieu de lingots informes, une étoile étincelante au milieu de feux pâles et ternes. Et parfois, son verre se choquait avec celui de ses nouveaux compagnons, et elle buvait, riait, chantait avec eux, et tout cela à la lueur blafarde des câbles flamboyants. Cependant, les têtes s'étaient échauffées à force de gaieté et de toasts. Les lèvres étaient vermeilles et les figures pleines de lie. On ne parlait plus, on criait, on trépignait. Déjà, plusieurs verres, choqués trop rudement, avaient été brisés. Plusieurs buveurs s'étaient laissés glisser à terre, au rire bruyant de leurs camarades. Antonio frappa soudain un rude coup sur la table. Il se fit un grand silence. Alors, d'une voix tonnante, « Buvons à la Constitution de 1813, que nous défendrons jusqu'à notre dernier soupir. »« À la Constitution de 1813 !» répétèrent toutes les voix en chœur. Et les verres furent remplis et vidés en un moment, et les trépignements devinrent de la rage et du délire. « Maintenant à la liberté de toutes les terres d'Espagne. Buvons, buvons. Et à notre jolie reine Margarita. Buvons, buvons. » Tout à coup, une détonation retentit au dehors de la caverne. Les sentinelles arrivent en criant « Aux armes !» La retraite des guerriers roses était découverte. Alors vous eussiez vu tous ces hommes, si tapageurs il n'y a qu'une seconde, se regarder les uns les autres et porter instinctivement la main à leur poignard. Chacun d'eux alla détacher son espingole pendue au roc et revint silencieusement à sa place. Pas le plus léger signe de frayeur, pas le plus petit froncement de sourcil ne se fit remarquer. Ils étaient habitués, les braves soldats, à se voir attaquer au milieu même de leur plaisir. fixe, ils attendaient que le chef fût commandé. Antonio regarda Margarita qui, comme les autres, avait saisi une espingole et se tenait droite et impassible à ses côtés. Puis de la main, il montra l'ouverture de la caverne. Les hommes comprirent ce geste et tous défilèrent en bon ordre. Antonio et Margarita échangèrent alors un de ces coups d'œil rapides où souvent deux âmes se disent adieu et suivirent les guerriers. Un moment après, une décharge effroyable annonçait que le combat venait d'être engagé. Ce fut une lutte terrible que celle qui eut lieu alors au bruit de la mousqueterie et de la tempête. Les Cristinos s'étaient emparés de toutes les issues, avaient obstrué tous les passages. Pas un des partisans n'échappa, et quand la fumée se fut dissipée dans l'air et que l'on n'entendit plus que la voix de l'ouragan, il ne restait du côté des guerrieros qu'une femme. Oh, mais elle était sublime, cette femme. Échevelée, délirante, elle se tenait auprès d'un cadavre sanglant, avec une espingole entre les mains. Ses yeux flamboyaient comme ceux d'une lionne qui garde ses petits. Ses doigts se crispaient sur le canon de son arme. Elle semblait vouloir encore défendre les morts. Les Cristinos s'approchaient. La femme leva son espingole. Plusieurs coups partirent à la fois, et quand la fumée se fut de nouveau dissipée, il n'y avait plus rien sur le versant de la montagne qui s'opposa à l'approche des vainqueurs. Margarita expirait sur le cadavre d'Antonio. Le bruit de ce combat ne tarda pas à se répandre dans les pays d'alentour. Les habitants de la Sierra Nevada, étant venus d'Andalousie dans la province de Murcie, passèrent par l'endroit où il avait été livré et aperçurent deux corps criblés de balles qui se tenaient embrassés. Ils s'en approchèrent et reconnurent dans l'un d'eux Margarita l'Andalouse. Ils rapportèrent au hameau cette nouvelle. Il y eut dans la vallée un nouveau deuil et de nouveaux pleurs. Ainsi se termine Un chef de guérilla par Alexandre Jardin.